vendredi 14 juillet, bulletin Flash Asie. Au sommet, Inde, au moins 183 morts dans une série d'attentats à Bombay. Canada, vive réaction de l'ambassade de Chine suite au rapport du trafic d'organes. Corée du Nord, pression du Japon pour obtenir le vote d'une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. Inde. Les sept attentats qui ont frappé mardi soir à l'heure de pointe plusieurs trains à gare de Bombay et de sa banlieue ont fait au moins 180 morts et des centaines de blessés. Alors que ces attaques n'ont pas été revendiquées, la police indienne soupçonne les rebelles islamistes comme cela avait été le cas après les attentats également quasi simultanés de Benares en mars et de New Delhi en octobre. Canada-Chine. Suite à la sortie du rapport Kilgour-Mata sur le trafic d'organes des pratiquants de Falun Gong en Chine, l'ambassade chinoise au Canada a publié le jour même sur leur site officiel. La Chine se soumet en tout temps aux normes de l'Organisation mondiale de la santé approuvées en 1991, rendant illégale la vente des organes humains et stipulant que le consentement écrit des donneurs doit être obtenu avant l'opération et que les donneurs ont le droit de refuser la transplantation à la dernière minute. Selon M. Kilgour, cette affirmation est démentie par le fait que le site internet du China International Transplantation Network Assistance Center affichait une liste de prix d'organes à transplanter. Cette liste est parue jusqu'en avril 2006, soit quelques semaines après que les premiers témoins aient révélé l'histoire du camp de concentration de Sujiatun. Le rapport Kilgour-Mattas indique même comment avoir accès à la tarification d'organes. Corée du Nord. Un porte-parole du gouvernement japonais a déclaré que le Japon continuera à faire pression pour obtenir le vote d'une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour sanctionner la Corée du Nord après les tests des missiles effectués la semaine dernière. Le vote de la résolution avait été reporté car la Chine menaçait d'un veto. Dans les discussions, le Japon a transmis à la Chine une liste de conditions que la Corée du Nord devrait remplir pour éviter le vote de la résolution. La Corée du Sud a également apporté son soutien à la Chine et a demandé des discussions informelles pour résoudre le problème du nucléaire nord-coréen. Mongolie. La Mongolie a célébré en grande pompe les 800 ans de la fondation de l'Empire mongol par Genghis Khan. À cette occasion, des centaines de prisonniers ont été amnistiés. Le festival traditionnel de Nadam, qui invite les participants à renouer avec d'anciennes traditions de lutte et de combat, sera le clou de ces célébrations. Ces jours de fête rappellent qu'au XIIIe siècle, Genghis Khan avait unifié les tribus des steppes d'Asie centrale et envoyé ses soldats à la conquête du monde. Son empire s'était étendu de l'Asie du Sud-Est à l'Europe, incluant la Chine, l'Asie centrale, la Russie, l'Irak et l'Iran. Alors qu'en Occident, Genghis Khan est resté dans l'histoire comme le chef de barbares sans pitié, en Mongolie, il est fêté comme un héros national. Thaïlande. Une équipe de secours armée et d'appareils de levage travaille sans relâche pour sauver la vie d'un éléphant de 50 ans qui a glissé dans un fossé boueux de la jungle, incapable d'en sortir. Une dizaine d'ouvriers forestiers et de vétérinaires tentent en vain depuis plusieurs jours de sortir l'animal de sa gangue de terre. Ils ont d'abord creusé autour de l'éléphant puis essayé de le remettre sur ses pieds. Ils ont ensuite tenté de pousser l'animal à la main pour le relever. À présent, ils espèrent pouvoir le lever avec une grue. Chine. Le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a décidé d'inscrire la réserve chinoise de pandas sur la liste du patrimoine mondial, a annoncé le porte-parole du comité à Vilnius. La réserve Wolong s'étend sur 951 000 hectares dans la province de Sichuan. Le panda géant fait partie des espèces menacées d'extinction.